9. Le livre de la retraite à la mosquée, i'tikaf. Chapitre 232. La retraite à la mosquée, i'tikaf, au mois de Ramadan. 1268. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se retirait à la mosquée, i'tikaf, les 10 derniers jours de Ramadan. Al-Bukhari et Muslim. 1269. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de se retirer à la mosquée, i'tikaf, durant les 10 derniers jours de Ramadan, et ce, jusqu'à sa mort. Puis ses épouses en firent de même. Al-Bukhari et Muslim. 1270. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de faire une retraite de 10 jours à la mosquée, i'tikaf, au cours du mois de Ramadan, mais l'année de sa mort, il fit une retraite de 20 jours. Al-Bukhari